Tout de suite, sur France Culture, une proposition de Perrine Kervran avec Marie-Vonne Abolivier, LSD, la série documentaire. 55 minutes de radio Coups Humains, un thème et 4 épisodes, à 17h et même à 23h. Cette semaine, Où va l'humanitaire ? Une série de Michel Pomarède réalisée par Vincent Deck. Au départ de cette série, il y a l'image de jeunes médecins français triomphant, le sac de riz sur l'épaule, le souvenir de refrains entonnés par des stars, des photos d'enfants au ventre gonflé, et heureusement, il y a aussi ceux qui aident, ceux qui en ont besoin, malgré les dérives, les scandales et parfois les ratages. Alors pour commencer, les personnages. Un médecin de retour du Vietnam, des intellectuels, une directrice de mission de retour d'Afrique centrale, un directeur qui tient les comptes, un journaliste face à la famine, un directeur de la com qui sait y faire, une communicante repentie et un géographe en immersion. Ensuite le décor. Un banquet, le flore, un vieux parfum d'aventure, une réunion, l'Angola, une harangue, les donateurs, la culpabilité, le storytelling, la fameuse quête de sens, un film en réalité virtuelle, l'émotion comme un outil, le street marketing, un spot coup de poing et des états criminels et donateurs. Aujourd'hui, 3e épisode, c'est l'heure de l'appel de fond. Contre l'inégalité. Action. Contre la discrimination. Action. Où va l'humanitaire ? Michel Pomarède, Vincent Deck. Contre la discrimination. Action. La course de fond d'Action contre la faim. Contre le réchauffement climatique. Action. Et contre la faim ? Parce que seules les grandes mobilisations ont le pouvoir de changer le monde, seul votre soutien permettra d'éradiquer la faim. Ça fait bientôt 40 ans que l'ONG Action contre la faim, fondée en 1979, a fait de la lutte contre la malnutrition son cheval de bataille. Une bataille, ou plutôt une guerre, car en 2017, 821 millions de personnes vivaient dans le monde le ventre vide. Pour mener cette guerre, il faut savoir communiquer habilement sur des situations critiques en ciblant les donateurs privés en fonction des supports ou bien en postulant auprès des bailleurs de fonds institutionnels. C'est bien dans une course de longue haleine, derrière les fonds, que s'est lancée l'ONG. La fin justifie les moyens. On peut parler de la faim dans le monde assis dans un fauteuil, mais on peut aussi décider de faire quelque chose, sérieusement. Cette citation, c'est pas de moi, c'est de Françoise Giroud, c'était en 1979. Il y avait des intellectuels autour d'elle, Jacques Attali, Bernard-Henri Lévy, et un jeune médecin. Le jeune médecin, c'était vous, Robert Sobag. Voilà, tout à fait. La création d'Action contre la faim, vous l'avez vécu ? Je rentrais du Vietnam, j'ai été médecin au Vietnam pendant 2 ans, j'étais un des premiers médecins occidentaux. J'ai passé 2 ans au Vietnam, juste après la chute de Saïgon. Avant, j'étais en Amérique latine, en Bolivie. Et je me retrouve à mon retour, donc en 79, en octobre 79, à Toulouse. Et il y avait Bernard-Henri Lévy qui faisait une conférence à Toulouse. Et donc, les gens me disent, je suis un peu connu à Toulouse, ils me disent, tiens, il y a un dîner après avec Bernard-Henri Lévy. Il me dit, ah, vous êtes au Vietnam, on va au Vietnam. Ah, ben, j'ai dit, oui, je viens de passer 2 ans. Ah bon, c'est un pays fermé, hein, on est en 79, hein. Il faut revoir le contexte. « Ah bon, vous faites quoi ?» Alors il me questionne, je suis médecin, et puis il me dit « Ah, écoutez, si vous passez par Paris... » Je repasse à Paris quelques temps après, bon, j'arrive à le joindre au téléphone. Il me dit « Il faut que je vous voie passer au Flore, moi, petit Toulousain. » Bon, j'arrive au Flore, il arrive, il me dit « Bon, bah, écoutez, voilà, on se retrouve vers 20h30 chez François Giroud, avenue de la Tour Maubourg. » J'attendais François Giroud, moi, petit médecin. Non, non, parce que voilà, on va créer un organisme, on a besoin, nous on est des intellectuels, mais on n'est pas vraiment de terrain. Vous êtes médecin, vous avez vécu au Vietnam, en Amérique du Sud, spécialiste maladies infectieuses, etc. Bon, bref, je me retrouve donc chez Madame Giroud le soir même. Il y a Jacques Attali, Guy Sorman, Alfred Köstler, Marc Ullmann. Et je me retrouve avec ces gens et qui commencent à dire « Oui, il faut qu'on crée une organisation, il y a déjà Médecins Sans Frontières ». On veut créer quelque chose plus lié à la faim, à la nutrition, c'est quelque chose d'important. Et on se retrouve donc en décembre, un petit peu d'histoire, invasion soviétique en Afghanistan. Donc les méchants sont les Russes, hein. On est avant les méchants sont les Russes, pauvre pays, Afghanistan, le roi a été chassé, c'est un régime communiste qui se met là, il faut aider, il y a des réfugiés afghans, et on fait une un premier appel de fonds, avec l'aide de ces intellectuels, on fait une page dans Le Monde, on reçoit pas mal d'argent, et on dit, ben voilà, on va aller à Peshawar, aider les premiers réfugiés afghans qui ont quitté l'Afghanistan pour venir se réfugier au Pakistan. Ça marche très bien, il y a beaucoup d'argent, on commence à se faire connaître, mais vraiment très artisan. On n'a pas de bureau, alors on fait un dîner une soir chez Attali, un soir chez Guy Sorman, un soir chez Bernard-Henri Lévy, Marek Alter, Suzanne Georges, François Giroud, bien sûr, très très présente. Et puis, quelques temps après, on dit voilà, on a fait les réfugiés, maintenant il faut aller en Afghanistan. Il faut rentrer pour justement aider les gens sur place, pour éviter qu'ils migrent, qu'ils viennent par le Pakistan, parce que ça prenait quand même des proportions, les camps de réfugiés, etc. Et donc, on fait un appel, et si ma mémoire est bonne, on reçoit l'équivalent de 600 000 ou presque 1 000 000 de francs. Et je dis, bon, ben, j'y vais. Donc, je débarque avec l'argent, pas avec l'argent liquide, hein, c'est plus ça aujourd'hui. Donc, uniquement des dons, hein, là, aucune aide, je dis ça parce que ça a tellement changé, il n'y a pas ECHO, il n'y a pas l'Union européenne. Uniquement un appel dans le monde, les gens donnaient, parce que beaucoup de l'Afghanistan, regardez ces pauvres Afghans, les Russes, l'invasion soviétique, les méchants, etc. Et donc je débarque à Peshawar avec beaucoup d'argent. Vous pouvez le voir, je ressemble un peu à un Afghan, j'avais plus de cheveux à l'époque. On me donne quelques contacts de gens qui étaient un petit peu en lien avec... c'est très particulier, le milieu. Et donc je vais dans les souks de Peshawar et j'achète. J'achète de la confiture, j'achète du pain et j'achète des afghanis, c'est-à-dire avec l'argent, de la monnaie locale pour donner aux gens du cash en étant dans le pays. Je commande des ânes pour passer tout ce matériel et je prends contact avec les personnes responsables des zones tribales. Alors on me planque dans une bagnole. D'abord on m'habille en afghan, il n'y avait pas de problème, je faisais vraiment couleur locale. On me donne quelques astuces pour vraiment montrer que j'étais pas un occidental. On me fait des faux papiers. Et puis, donc, je passe dans les zones tribales. Et puis, au bout d'un moment, on dit, ben voilà, on va passer par la Kunar, on va rentrer en Afghanistan avec les Moudjahidines. Ce qui était très impressionnant, il y avait beaucoup de mines antipersonnelles qui avaient des formes de papillons, ça m'a beaucoup marqué, qui étaient larguées, si vous voulez, avec un double amorçage. Ça avait des formes de papillons avec un corps central, une aile extrêmement fine et puis la charge de poudre de l'autre côté, accrochés aux arbres et à double amorçage, c'est-à-dire que dès qu'on les retouchait, mais on pouvait les prendre par le côté fin et puis les balancer sur des pierres, faire exploser, c'était leur grand jeu. Mais ce qui était intéressant, c'est qu'ils me laissaient jamais marcher devant, tout seul, ils avaient peur. Moi, il y en avait qu'un qui baragouinait un peu l'anglais, hein, c'était très difficile. Mais il y avait beaucoup de respect, parce que j'ai soigné beaucoup de gens sur le côté, j'ai enlevé des balles, j'ai retiré un peu de choses, vraiment à main nue, hein, on n'avait pas beaucoup de moyens. Et donc, ça a été cette première mission qui a duré à peu près un mois. Mais c'est pour vous dire comment a démarré Action internationale contre la faim, puisqu'à l'époque, ça s'appelait AICF. Ok, on démarre. Donc, bonjour à tous. Donc, on démarre la réunion avec les points mission et les brèves. Et après, on passera sur l'agenda budget du département. Isabelle, tu veux commencer sur Centrale ? Bah, principalement peut-être sur la RDC, donc on l'a signalé en point info la semaine passée, on a un afflux de Congolais qui rentrent d'Angola, donc qui ont été poussés d'Angola vers les Kassai et les Kassai centrales. On n'a pas forcément de chiffres, mais c'est quand même autour de 50 000 personnes qui seraient rentrées du côté de Kamonia, qui est une zone où on est intervenu l'an passé. Les besoins, on est en train de faire des évaluations, on va démarrer une évaluation là ces jours-ci. On a aussi quelques inquiétudes sur la sécurité. On a peur que des conflits interethniques recommencent, et notamment avec une redémarrage possible des Banamura, la milice qui avait été partie au conflit dans les Kassai en 2017. Donc ça, c'est le point principal, et donc on lance une évaluation multisectorielle ces jours-ci pour voir comment on peut répondre à cet afflux de réfugiés. Sur le Cameroun, on attend les résultats de l'élection présidentielle. On va du coup avancer sur l'emploi. Isabelle Robin, on vous a entendu dans la réunion des opérations. Vous dirigez des missions sur quelle zone géographique ? Moi, je suis en charge de l'Afrique centrale, donc je m'occupe de la République démocratique du Congo, de la République centrafricaine, du Tchad et du Cameroun. J'ai eu l'occasion de retourner en RDC, et notamment de visiter nos programmes dans les Kassai. Le Kassai, c'est une province de la République démocratique du Congo, près de la frontière angolaise, et qui a connu une crise en 2017 avec il y a eu une milice qui a mobilisé la population, et avec ensuite beaucoup d'exactions de la part de cette milice, une réponse militaire également extrêmement violente, ça a entraîné énormément de déplacements de population. Donc les gens ont perdu 2 ou 3 saisons agricoles, se sont déplacés, ont tout perdu. Enfin, ça a vraiment été une catastrophe. Les conséquences de ce choc se font encore sentir pour les populations. Et donc on a encore eu beaucoup de cas de malnutrition et beaucoup de gens qui peinent à nourrir leur famille. Alors, c'est quoi les programmes ? Des programmes en nutrition santé, nous avons des programmes en eau, hygiène et assainissement, en sécurité alimentaire, et aujourd'hui on est en train de démarrer des projets de relance agricole, et nous avons également des projets de santé mentale et de pratique de soins pour traiter le trauma chez les personnes qui ont vécu cette crise très grave en 2017. Véronique Andrieux, vous êtes directrice générale d'Action contre la faim depuis un peu plus de 2 ans maintenant. 2030, zéro faim, c'est-à-dire la disparition de la faim dans le monde. Est-ce que c'est une utopie, un horizon fédérateur, un mythe qui fait que, ici, à Action contre la faim, les gens se mobilisent ? Mais est-ce que c'est tenable ? Ça fait partie des enjeux quand on se lève le matin. Est-ce qu'on est foncièrement optimiste ? Est-ce qu'on est pessimiste ? Est-ce qu'on est dans l'utopie ? C'est sûr, pour faire ce boulot, il y a plutôt intérêt à être optimiste et à avoir de la résilience, parce que honnêtement, les tendances qu'on voit se dessiner, parfois, ne portent pas à l'optimisme. Là, c'est pour la 3e année consécutive, le cycle de la faim repart à la hausse. Donc, c'est une tendance extrêmement négative qu'on voit. On sent que en termes d'analyse, et là, je ne vous apprends rien, les grands, drivers de la faim sont les conflits. C'est aussi le changement climatique et les crises climatiques extrêmes. Et c'est aussi le manque d'investissement chronique en termes de développement long terme. 821 millions de personnes ont souffert de la malnutrition dans le monde en 2017. En 2015, le chiffre, c'était 777 millions. Jean-François Riffaut, vous qui dirigez à la fois la communication et la collecte chez ACF, comment vous vivez ces chiffres ? Est-ce que la lutte contre la faim, c'est une cause qui parle encore au grand public ? Il y a la manière politique de répondre à ça, puis il y a la manière plus médicale. Je ne suis pas médecin du tout. Mais d'un point de vue plus statistique, le nombre de personnes frappées de malnutrition sous toutes ses formes ou d'insécurité alimentaire sous toutes ses formes dans le monde augmente. En 2018, la 18e année du 3e millénaire, le nombre de personnes en situation d'insécurité alimentaire dans le monde augmente. Ce n'est pas parce que le niveau minimum augmente, c'est parce que le nombre absolu augmente. Donc on peut dire de ce point de vue-là que la lutte contre la faim est un combat qui est en permanence perdu, mais que ce n'est pas une raison, loin de là, suffisante pour l'arrêter. Et puis la raison pour laquelle on ne l'arrête pas, c'est que c'est aussi chaque jour un combat gagné. C'est que je peux vous dire, quand des enfants de moins de 5 ans, frappés de malnutrition aiguë sévère, qui devaient mourir dans les 4 semaines, sont 2 mois après vivants, et sont 1 an après sur les bancs de l'école, eh bien pour cet enfant-là, c'est un combat gagné. C'est un combat gagné pour cet enfant d'abord, pour ses parents s'il en a encore, et pour les gens d'ACF ou des autres ONG qui s'en occupent. Et après, on se bat peut-être un peu tout seul. Je m'explique, on se bat probablement mal parce que nous avons décidé de travailler directement auprès de communautés depuis le début pour parer au plus pressé et pour que les enfants qui sont mourants ne soient plus mourants demain. Et puis on pourrait nous dire parfois, mais non, mais il faut s'adresser au système. Et donc il faut s'adresser aux politiques publiques. Et c'est les politiques publiques qu'il faut changer. Donc du coup, on s'est mis à faire du plaidoyer en plus. Donc on remplit les bouches. On lutte contre toutes les causes et en plus on fait du plaidoyer pour changer les politiques publiques. Mais qu'est-ce que je note ? C'est que nous sommes encore seuls à lutter contre ça. et que la lutte contre la faim, elle ne sera pas gagnée lorsqu'elle restera la seule responsabilité de ceux qui luttent contre. C'est un devoir de chacun. Isabelle Robin, comment est-ce qu'on soignait avant la malnutrition, dans les années 80-90, et comment est-ce qu'on la soigne aujourd'hui ? La très grosse différence entre les années 90 et aujourd'hui, c'est les produits qu'on utilise et le fait que dans les années 90, le traitement obligeait les mamans à hospitaliser leur enfant pendant 15 jours ou 3 semaines et qu'aujourd'hui, la plupart des enfants peuvent être traités en ambulatoire. C'est-à-dire que les enfants aujourd'hui viennent une fois par semaine au centre de santé, reçoivent le produit qui s'appelle le Plum Peanut, qui est une pâte à base d'arachide avec et enrichie en vitamines et en minéraux. En fait, c'est un médicament, mais bon, ça s'appelle le Plum Peanut. Donc les mamans ramènent ces produits à la maison et peuvent les donner à leurs enfants. Et chaque semaine, quand ils reviennent au centre de santé, on va vérifier leur poids, leur taille, leur état médical, qu'ils gagnent du poids également. S'ils ne gagnent pas de poids et s'ils tombent malades, on va les référer à l'hôpital. Mais sinon, ils peuvent vraiment être traités chez eux et ça fait une grosse différence. Pour une maman qui a peut-être 3, 4, 5 enfants, venir à l'hôpital pendant 15 jours ou 3 semaines, ça veut dire qu'elle vient avec un enfant, mais personne. Il n'y a pas forcément quelqu'un à la maison pour s'occuper des autres enfants. Donc on arrive à traiter les enfants plus tôt et donc on perd moins d'enfants. Donc ça a vraiment été une grosse différence et une révolution dans le traitement de la malnutrition sévère. On fait également de l'éducation nutritionnelle, on travaille également sur les pratiques de soins. On travaille à renforcer les systèmes de santé, une grosse différence aussi entre les années 90 et aujourd'hui. On était beaucoup dans la substitution dans les années 90, aujourd'hui on est beaucoup plus dans le support des systèmes de santé existants, avec la formation du personnel, et donc vraiment on n'est pas juste là pour amener un sachet de Plum Peanut, on est vraiment là pour essayer d'avoir une action plus durable et on va également essayer de travailler sur l'eau, dans les centres de santé aussi, dans les communautés, pour éviter une des causes de la malnutrition qui sont les diarrhées. Si on fait amener du Plum Peanut, effectivement, quand on s'arrête, les enfants vont retomber rapidement dans la malnutrition. Donc on travaille beaucoup pour essayer de prévenir la malnutrition. Moi, ce qui me marque le plus, c'est les enfants. Enfin, on a tous en tête les images des enfants qu'on voit parfois à la télé, qui sont vraiment dans un état catastrophique. On voit leurs côtes, on voit des jambes qui sont vraiment décharnées. Et ce qui est incroyable, c'est qu'on les sauve, quoi. Ces enfants-là, ils arrivent dans les hôpitaux ou dans les centres de santé dans un état vraiment catastrophique. Et après 3 semaines, vous voyez ces enfants qui sont guéris. Après, je pense que pour faire ce travail, il faut être une optimiste. Et moi, je vois toujours le fait que voilà, on sauve des enfants, même si on en sauve un certain nombre et qu'il reste des enfants qu'on n'arrive pas à atteindre parce qu'on n'a pas suffisamment de ressources ou parce que l'insécurité nous empêche de les atteindre. Moi, quand je vois qu'on arrive à sauver 1000 enfants ou 2000 enfants de la malnutrition sévère, je pense que ce qu'on fait est utile, même si c'est pas l'humanitaire qui va résoudre les crises. Les crises sont politiques, il faut des solutions politiques. Et nous, on est là pour essayer que les populations souffrent le moins possible. Et ensuite, pour essayer de pousser pour qu'effectivement, il y ait des solutions politiques à travers nos actions de plaidoyer. Ensuite, nous, vraiment, on est là pour aider les populations au moment dans ces moments extrêmement difficiles. Sur votre logo, donc, il y a une terre qui ressemble à une goutte d'eau. Est-ce que par moment vous ressentez que votre action, c'est une goutte d'eau dans un océan ? Non, je pense que quand je vois un enfant, je ne pense pas à une goutte d'eau dans un océan. Je pense à un enfant qu'on vient de sauver. Et si je me mets à la place d'une maman, Enfin voilà, c'est son enfant qu'on vient de sauver. Et je pense que c'est important. Est-ce qu'on peut avoir une idée du budget que vous avez pour mener à bien vos missions ? En 2019, les prévisions, c'est que la surface financière d'Action contre la faim soit de 200 millions d'euros, qui se répartissent très simplement un gros 75% issu de l'argent public, c'est-à-dire l'argent distribué par les États à travers leurs différents organismes d'aide au développement. En France, ça s'appelle l'Agence française du développement. En Angleterre, ça s'appelle DFID. Aux États-Unis, ça s'appelle USAID. Donc, il y a une petite trentaine de bailleurs institutionnels qui distribuent l'argent public. J'ai oublié ECHO, évidemment, l'Union européenne, qui distribue beaucoup d'argent public. Donc, 75%, un gros 75% qui vient de l'argent public et un petit 25% qui vient de l'argent privé, c'est-à-dire de la générosité des individus et des entreprises qui nous permettent de mener des activités à hauteur de 200 millions d'euros. Ce sont nos prévisions. Aujourd'hui, Action contre la faim, nous sommes présents dans 49 pays. Sur les plus de 4000 collaborateurs d'Action contre la faim France, il y en a 250 qui sont au siège à Paris, qui sont en grande majorité de nationalité française, mais pas que. Et puis tous les autres, c'est-à-dire plus de 3800 collaborateurs d'ACF France aujourd'hui, ils sont répartis dans 25 pays, tous de la nationalité des pays dans lesquels nous intervenons. Est-ce que vous avez un profil type du donateur dans vos fichiers? D'abord, combien de donateurs privés? Je vais être obligé de généraliser un petit peu, parce que vous savez, il y a des gens qui donnent en répondant à des emails, d'autres des gens qui donnent sur Facebook, d'autres des gens qui donnent, etc. Donc je vais globaliser. Le donateur moyen d'Action contre la faim ressemble beaucoup d'ailleurs au donateur moyen des grandes ONG françaises. Il a plus de 55 ans, il donne en moyenne 80 euros par an, il est fidèle, c'est-à-dire qu'il donne depuis plusieurs années, 5, 6, 7 ans. Quatrième idée, il donne à 5 ou 6 associations, pas uniquement ACF. Nous, à Action contre la faim, des donateurs de ce profil-là, on en a à peu près 200 000 réguliers. Ces donateurs réguliers, comment est-ce que vous leur parlez de la faim dans le monde? En les culpabilisant, comme ce fut le cas un peu dans le passé, ou par un autre moyen? La question de la culpabilité est une question centrale dans la relation entre les ONG, et en particulier dans la lutte contre la faim, parce que les images, les situations dans lesquelles nous sommes confrontés sont épouvantables. Quand un enfant de 4 ans pèse 6 kilos et qu'il est mourant dans vos bras, qu'est-ce que l'on fait? Est-ce qu'on décide de ne pas le montrer parce qu'on considérerait que ça serait mettre en scène une horreur pour générer de l'émotion et donc de la culpabilité et donc du don? Mais si on ne le montre pas, qu'est-ce que cela signifierait? Que l'on aurait honte de faire ce que l'on fait, que ce serait indigne de faire ça. Donc la question de la culpabilité, c'est une question permanente dans nos métiers. De mon point de vue, c'est que notre devoir d'organisation, c'est de s'assurer que l'on parle autant à la raison qu'au cœur des gens. Charline Herzig et Maximilien Leray, vous vous adressez à un public jeune que vous allez chercher sur les réseaux sociaux comme Instagram. Quelles sont les stratégies de votre communication sur cette question de la faim dans le monde? Comment est-ce qu'on redonne du pouvoir et de la dignité aux gens à travers ce qu'on fait? L'objectif, c'est pas d'accabler nos suiveurs avec la misère qu'on constate, mais de montrer que l'action qu'on mène, elle a un impact positif sur la vie des gens. On dit que c'est un réseau social un peu feel good, quoi. Les gens, ils vont pas pour voir de la tristesse ou de la misère, parce que par ailleurs, on est capable d'en montrer, c'est pas un souci. Est-ce que ça marche au niveau collecte de fonds de communiquer sur Facebook, Twitter et Instagram? Et si oui, combien? C'est pas encore incroyable, on va pas se mentir. Disons que c'est pas notre premier levier de collecte. Si je m'intéresse à la partie collecte grand public, aujourd'hui on a à peu près à 7-8% de collecte qui vient du digital et à peu près 1-3% de la collecte qui provient des legs, des grands donateurs. Si maintenant vous me parlez de campagnes spécifiques sur Facebook, Instagram, Twitter, on en fait, ça fonctionne pas énormément. Un des grands exercices que nous sommes en train de faire à Action contre la faim, c'est de continuer à faire le mieux possible notre travail sur le terrain et continuer à donner le plus possible aux gens la capacité de s'engager avec nous. Faire en sorte que le plus grand nombre de parties prenantes, comme on dit aujourd'hui, de personnes, d'entreprises, de journalistes, de groupes, parce que la cause les intéresse, décident de porter la cause pour nous. Et cette intermédiation, d'abord, elle est beaucoup aidée et beaucoup facilitée par la transformation digitale du monde. Mais surtout, elle permet beaucoup de distance. Lorsque ce sont des tiers qui communiquent pour nous, ONG, sur nos activités, là, il ne nous est jamais reproché des images terribles. Là, je vois l'exemple récemment. Hugo Clément, le journaliste de Combini, a fait deux longs reportages à 6 mois d'intervalle sur la terrible famine qui règne en République démocratique du Congo. Et il a diffusé des images que moi, je ne pourrais plus diffuser en tant que directeur de la communication d'Action contre la faim. C'est un drame silencieux, un drame que le monde ignore. Au Kassai, la mort menace des familles entières. Dans la brousse, où les habitants se sont réfugiés pendant les combats, mais aussi dans les villages isolés, que les humanitaires peinent à atteindre à cause de l'état des routes. Les habitants ont peur et ils n'ont rien à manger. Les enfants sont les premiers touchés. Là, c'est un des très nombreux centres de santé de la région gérés par Action contre la faim. C'est là que sont amenés les enfants qui souffrent de malnutrition. Pendant son séjour sur place, Hugo Clément et son équipe ont vraiment été marqués par ce qu'ils ont vu et ont décidé de lancer une collecte au profit d'Action contre la faim au moyen d'un reportage de 8 minutes. Et ce sujet, donc diffusé uniquement sur Internet, hein, relayé sur des passages médias, sur des médias hyper variés, hein, de Europe 1 à Touche pas à mon poste, donc le delta est assez large. Cet appel à dons a permis de collecter 540 000 euros. Là, on va faire les tests d'appétit. On va voir l'enfant s'il est capable de manger. Je regardais en temps réel pendant qu'il était dans Touche pas à mon poste. Il est passé dans les 5 dernières minutes. Je regardais à quelle vitesse les dons arrivaient et la plateforme n'arrivait même pas à suivre en fait. Donc j'actualisais et d'un seul coup, on avait pris 120 000 euros en actualisant comme ça. Et c'est dire à quel point juste laisser comme ça des influenceurs gérer un sujet pour nous. En fait, on n'est pas dans le cadre d'un partenariat avec Hugo Clément. C'est lui qui est parti sur le terrain. On l'a pas briefé et le résultat au final, ce qu'on voit, c'est que les donateurs sont très jeunes. C'est pas nous qui parlons au final. Il suffit de regarder les commentaires qu'on peut avoir aussi sur nos posts Facebook, sur les réseaux sociaux, etc. On a des gens qui doutent et qui disent que c'est n'importe quoi et etc. Mais on en aura toujours mine de rien. Mais on en a encore plus quand on est sur notre marque et quand on parle en notre nom propre. Ça, c'est une grande leçon pour nous, en tout cas pour moi, c'est d'être capable d'abandonner un peu de contrôle de ce que nous proposons aux gens de voir. Et cette distance, elle est vertueuse aujourd'hui parce qu'elle permet d'éviter la crainte que le DIRCOM manipule son image. On sait ce que c'est, hein, nous, les DIRCOM des ONG, on nous prend pour les DIRCOM de boîtes privées. Parce qu'on s'appelle DIRCOM et que donc on raconterait l'histoire, on ferait du storytelling, etc. C'est pas vrai ? Bien sûr que c'est un parti vrai, évidemment. On utilise des outils marketing, évidemment. Sauf que la différence fondamentale, c'est qu'on n'a pas de clients. Lorsque je montre les images de nos activités, ce n'est pas pour vendre quelque chose. Je ne suis pas telle ou telle marque commerciale qui va utiliser tel ou tel subterfuge lacrymal ou pas lacrymal d'ailleurs, pour faire acheter des chaussures, ou faire acheter du rouge à lèvres, ou faire acheter des billets d'avion, ou faire acheter de l'essence. Je me dois juste de montrer la réalité de notre action. Charlie Narzik, avant de vous occuper de la visibilité d'ACF sur les réseaux sociaux, vous faisiez quoi ? Alors avant ça, je travaillais pour une boîte de prod télé qui s'appelle Télé Paris et je m'occupais du développement digital des différentes marques émissions. J'étais également mobilisé sur une émission de Thierry Ardisson. Moi, j'ai eu besoin à un moment donné de donner du sens le matin quand je prends mon café et que je vais au boulot, d'y aller pour quelque chose de qui me dépasse, quoi. Et pas simplement super caricaturé, mais vendre de l'espace publicitaire pour un annonceur avant et après un programme télé. Le sens ici, je le trouve en ayant la sensation d'apporter une pierre, alors modeste, parce que effectivement nos boulots sont un peu éloignés de la partie terrain, mais le fait de dire que Jove a assumé une partie du devoir de témoignage de l'organisation et de du faire savoir de ce qu'on fait et de témoigner sur ce qu'on voit, à mon sens, c'est suffisant pour que je boive mon café sereinement le matin. Oui. Quelle est la culture de l'ONG que vous avez découverte ici ? Ce sont des grosses maisons, ces grosses ONG qui ont aujourd'hui à peu près 40 ans, hein, beaucoup de salariés, beaucoup d'intervenants, mais ça donne aux organisations des forces de frappe dans la façon de s'exprimer, dans les possibilités de monter des actions de mobilisation par exemple impactantes. C'est une grosse machine et les grosses machines, elles ont la possibilité de faire des belles choses, je crois. C'est ce que j'ai découvert. Ouais. Robert Sebag, quel est votre regard sur la professionnalisation, sur le profil des nouveaux venus dans les ONG ? Le professionnalisme, il a perdu aussi un tout petit peu de son sens. C'est-à-dire, on est professionnel, bon, ben, vous avez beaucoup de gens qui disent, tiens, ben voilà, moi j'ai terminé mes études de commerce, de médecine, je vais me faire un peu plaisir pendant quelques années, comme on irait dans une entreprise, comme on irait quelque part. Donc c'est vrai que ça a perdu un petit peu de ce... D'un autre côté, vous avez de plus en plus de jeunes qui ont envie de donner un sens à ce qu'ils font. Et ils décident pendant quelques temps, voilà, je vais mettre une parenthèse humanitaire, alors bonne conscience. Ce qui est important, c'est qu'il faut qu'ils apportent quelque chose. Lucie Codias, vous êtes directrice déléguée à la communication à Action contre la faim. Si on revenait à votre engagement dans l'humanitaire. Alors, mon engagement dans l'humanitaire, c'est finalement assez récent, puisque ça a commencé en 2016. Moi, je ne viens pas de l'humanitaire. À la base, ce n'était pas vraiment une vocation. Je n'ai jamais eu de la vocation quand j'étais jeune. J'ai eu un parcours très classique d'école de commerce. J'ai travaillé 10 ans en agence de com pour des grosses marques comme Nestlé, Coca, Orange. J'ai monter mon agence de com, donc là c'était une aventure vraiment géniale avec deux associés, et à un moment donné en fait ça a très très bien marché, j'ai gagné très très bien ma vie, et pourtant voilà, j'avais des journées très remplies mais finalement très vides de sens en tout cas, et c'est ça qui m'a animée en fait, et à un moment donné je me suis dit mais en fait les journées ont que 24 heures. Et donc de passer 10 heures, 12 heures, 15 heures par jour en fait à mettre mon temps, mon énergie au service finalement de clients qui cherchaient toujours à faire la même chose, hein, donc de vendre tout simplement. Donc je me suis j'ai réfléchi, je savais pas trop quoi faire en fait, hein, j'avais pas de plan. Donc là on est début 2016. En même temps il y a la crise des réfugiés en Europe. Donc là, ça m'a énormément touchée et clairement, ça a été l'appel du cœur. Et donc, j'ai travaillé notamment avec Médecins du Monde, où j'étais travailleur psychosocial. Donc, j'allais faire les maraudes dans la jungle. Et donc, juste après, je suis partie au Kurdistan irakien avec Action contre la faim. Et alors ensuite, le siège Action contre la faim aujourd'hui, où est passé le terrain, où est passé l'élan du cœur? Ah bah, l'élan du cœur, il est toujours là, parce que justement, en fait, moi, ce que je trouve génial là dans mon métier, c'est comment raconter les histoires qu'on voit sur le terrain. Alors quand je dis qu'on voit sur le terrain, c'est qui? C'est les gens qui travaillent pour Action contre la faim, et c'est les gens qu'on accompagne, et ce sont aussi nos partenaires. Et nous, notre travail ici au siège, c'est de pouvoir... Il est très simple. Moi, j'ai une vision vraiment hyper simple du métier de la com chez Action contre la faim. C'est dire au monde ce qui se passe dans les pays dans lesquels on intervient. On a un devoir d'alerte sur des crises et aussi un devoir de témoignage, c'est dans notre mandat. Et donc notre mission, c'est vraiment ça, c'est d'alerter, de témoigner des crises, mais pas que des crises, aussi des injustices, pour lutter contre la faim dans le monde. C'est l'objectif final. Et donc le terrain, évidemment à distance, puisqu'on peut pas, on peut pas y aller tous les jours, on est infusé par le terrain tous les jours. Et c'est sûr que il y a forcément une part de nous qui est jamais bien loin et qui a besoin en fait d'être au plus proche. En fait, tout simplement, ça remet la question du sens au cœur de nos quotidiens. Ça nous nourrit énormément. Aujourd'hui, on est le 16 octobre. C'est quoi comme jour ? C'est la journée mondiale de l'alimentation. Et alors, quelle action de communication est prévue pour cette journée spéciale qui existe depuis près de 40 ans ? L'idée qu'on avait par la journée mondiale de l'alimentation, c'est une journée où vous avez beaucoup d'ONG qui touchent de près ou de loin à l'alimentation, prennent la parole sur divers problèmes. Nous, ce qu'on avait envie de dire, c'est qu'aujourd'hui, il y a 821 millions de personnes qui souffrent de la faim dans le monde, que ce chiffre est en augmentation, que la faim reste un enjeu important dans le monde. Mais c'est un enjeu où finalement, où parfois on peut avoir du mal à mobiliser sur certaines crises. Donc on a pris le parti d'en parler un peu différemment et du coup de, sur un espace à Paris qui est rue Quincampoix, de faire une exposition, notamment avec des photos. Ça, ça reste assez classique, mais derrière, proposer une expérience assez immersive aux gens qui viennent nous voir avec de nouveaux outils technologiques. On a mis en place un système de réalité virtuelle qui nous permet de plonger le grand public dans une mission humanitaire. Alors ça ne remplace pas le terrain, bien évidemment. Je te mets le casque. C'est parti. Qu'est-ce qui t'amène ici? Tu n'as pas le droit de passer, repars d'ici. Attendez. Nous sommes des humanitaires d'Action contre la faim. Nous allons au centre de soins pédiatriques. Action contre la faim? Et ça tombe bien, nous aussi on a faim. Qu'est-ce que tu as dans le coffre? C'est de la nourriture? Allez, donnez-nous ce que vous avez et on vous ouvre la route. Nous n'avons que des aliments thérapeutiques pour le centre de soins. Nous sommes une ONG humanitaire. Nous intervenons pour aider les populations ici. J'ai les autorisations, laissez-moi vous montrer. C'est bon, ouais, vous pouvez passer. Alors effectivement, on est sur des terrains qui sont émotionnels. Quand on parle de malnutrition des enfants de moins de 5 ans, effectivement, les images qu'on montre, la réalité, elle n'est pas drôle, quoi. Donc effectivement, elle est émotionnelle. Mais au-delà de l'émotion, savoir expliquer comment on travaille, comment on négocie nos accès, pour justement éviter d'être uniquement sur de l'émotionnel. Nous, ce qui nous intéresse dans une ONG comme ACF, c'est que les gens nous donnent, mais nous donnent régulièrement. Et ça, ça passe par une compréhension de ce qu'on fait. Bonjour monsieur. Vous avez une petite minute à m'accorder? C'est pour Action contre la faim, une association humanitaire. Ça vous paraît? C'est 2 minutes de votre temps. Ça peut le faire? Ouais. Je suis là pour vous parler un petit peu d'Action contre la faim. Est-ce que vous avez déjà entendu parler d'Action contre la faim? Moi, je vais être transparent un petit peu avec vous. Je suis là pour vous parler de cette association, bien sûr. Vous dire les différents moyens qu'on a pour pouvoir, en fait, tout simplement pallier à la faim dans le monde. Si ça vous paraît intéressant, si ça vous paraît pertinent, si ça va dans le sens de vos valeurs, je vais vous proposer de soutenir cette association. Est-ce que déjà, dans la démarche, ça vous paraît quelque chose de possible? Ça dépend. Est-ce que vous avez tout simplement déjà pensé à soutenir une association? Non, jamais. Bon, on sait jamais. Peut-être today is a day, maybe. Donc du coup, Action contre la faim, si vous voulez, c'est une association qui, effectivement, je pense, est assez explicite. C'est écrit de toute façon sur mon t-shirt. C'est lutter contre la faim dans le monde. Aujourd'hui, on a 800 millions de personnes qui sont en état de sous-nutrition ou de malnutrition. Donc notre travail, en fait, c'est tout simplement d'essayer de rééquilibrer un petit peu ces choses-là. Est-ce que tout simplement cette association, c'est quelque chose qui vous paraît très pertinent? Antoine Berthier, vous occupez du street marketing à Action contre la faim. Le street marketing, est-ce que c'est une nouvelle façon d'avoir de l'argent, de collecter de l'argent? Alors, nouvelle, oui et non. C'est un média qui existe depuis le début des années 2000 en France. Et oui, c'est un canal qui nous permet effectivement de collecter des fonds de manière non affectée et qui permet d'intervenir sur le terrain, différentes crises et surtout des crises non médiatisées. Concrètement, comment ça se passe? Alors, Action contre la faim, on fait le choix de déléguer à des agences le travail de recrutement de nouveaux donateurs. Nous sommes chargés d'alimenter en information ces équipes de street marketeurs et de veiller à ce qu'ils respectent bien le mandat d'ACF. En chiffres, qu'est-ce que ça rapporte, le street marketing à Action contre la faim par an? Aujourd'hui, si on cumule tous les donateurs qui nous soutiennent depuis des années via ce canal, ça représente une 20 millions d'euros à l'année dans notre budget. C'est une espèce de compétition entre vous dans les différents pôles ici de la communication à Action contre la faim pour aller chercher de l'argent. Comment ça se passe? Alors, c'est pas une compétition, c'est plus sain que ça. Ça nous permet surtout de pouvoir prendre le relais. Certaines cibles vont être plus utilisées, par exemple, sur l'envoi de courriers. Le street marketing a l'avantage de pouvoir rajeunir la base de donateurs d'Action contre la faim. C'est un média qui est plus moderne, plus dynamique. On travaille main dans la main, en fait, entre canaux et à essayer justement de trouver un équipe donateur. L'objectif étant d'avoir un maximum de moyens pour faire fonctionner la machine ACF et de pouvoir répondre aux urgences et aux crises qui nous arrivent. Alors, en fait, tout simplement, là où vous êtes sûr que ça va aller, c'est qu'en fait, on passe par le prélèvement automatique. C'est-à-dire qu'en gros, on ne prend pas d'argent dans la rue, c'est totalement interdit par la loi. Voilà. Est-ce que ça vous intéresserait du coup de soutenir cette association? Ouais, pourquoi pas. Vous savez un petit peu comment ça se passe ou pas du tout? Ok, alors en gros ça se passe avec moi. Moi je suis envoyé par Action contre la faim. Marie-France Berton, vous êtes en charge du partenariat à ACF. Avec combien d'entreprises travaillez-vous? Si je prends sur l'année 2017, on avait 250 partenaires avec lesquels on travaillait, des entreprises, des fondations qui nous aident justement dans cet objectif de recherche de fonds, de co-construction, de réponse à notre mandat. Vous avez 250 partenaires, sans brosser le portrait type des partenaires, mais est-ce que c'est des gens qui viennent de la banque? Qui sont les gens qui accompagnent Action contre la faim? On a un petit peu tous les secteurs d'activité. Il n'y a pas de profil type. Nous, on travaille beaucoup avec des entreprises qui ont une visibilité nationale ou internationale, mais ça peut être aussi des TPE, des PME. Le mécénat en France concerne tous les acteurs. Il n'y a pas forcément que les grandes entreprises. Et bien heureusement, je pense que la solidarité, elle est dans chaque ville, à chaque endroit, au coin de rue, mais aussi à l'international. La collecte, en termes de fonds, justement, c'est combien par an ? La partie entreprise, elle est un peu plus de 4,5 millions cette année. À vos côtés, un partenaire historique de Action contre la faim. On a effectivement Thierry Dezouche qui travaille chez Système U, qui est un de nos partenaires majeurs, puisqu'en fait, Action contre la faim aura 40 ans en 2019 et ça fera 20 ans en 2019 que Système U nous soutient. Qu'est-ce que ça apporte à votre enseigne, ce partenariat ? Est-ce que ça apporte de la notoriété, de l'image, quelque chose de positif ? Alors oui, ça amène quelque chose de positif. Mais encore une fois, si nous sommes lancés dans cette opération, c'est pas avec une réflexion marketing en disant ça va nous donner un vernis humanitaire. C'est simplement la volonté de d'agir sur des sujets qui nous préoccupent, qui nous préoccupaient. On voulait agir, voilà, aider des ONG qui sont souvent dans des difficultés pour mobiliser des sommes lorsqu'il y a des catastrophes qui se produisent en dehors de nos frontières. Donc ça nous amène en effet un peu d'image, mais encore une fois, c'est pas pour ça qu'on l'a fait. Tous les 16 octobre, c'est la journée mondiale de l'alimentation. Est-ce que vous pourriez me raconter l'action que vous avez menée l'année dernière ? Alors, l'année dernière, donc, nous avons décidé sur cette journée de collecter, je crois que c'est 5 centimes d'euros pour chacun des produits U vendus dans nos magasins. Alors, les produits U, c'est pour nous des volumes importants puisque c'est quasiment un produit sur deux qui passe en caisse qui est un produit U et ça permet, il y a une force de collecte extrêmement importante puisque je crois que sur la seule journée, on a collecté près de 350 000 euros. C'est une manière pour nous, en fait, en une journée, de se dire on peut avoir des fonds et qu'on peut utiliser assez rapidement. Donc voilà, c'est un ensemble de collectes, en fait, qui va permettre aux directions des opérations qui pilotent les pays de pouvoir attribuer les fonds en fonction des urgences. Robert Sebag, vous avez créé ACF il y a 40 ans et vous êtes revenu siéger au conseil d'administration il y a un an. Vous y parlez de quoi ? D'opérations sur le terrain ou de comptabilité ? Les deux. Vous êtes obligé, vous êtes dépendant. Quand vous avez une structure aujourd'hui de plusieurs centaines de personnes, vous devez gérer ces personnes. Donc vous avez une masse salariale importante, sans compter les milliers de personnes que vous avez sur le terrain. Et donc très très souvent, effectivement, on oublie. Alors, ça ne veut pas dire que la direction des opérations ne travaille pas là-dessus, mais dans le conseil d'administration, souvent, effectivement, on discute de la problématique financière, on ne va pas y arriver, les dons ont baissé, quelle campagne marketing on doit faire, quelle priorité on va donner sur telle ou telle mission, est-ce qu'on va fermer cette mission parce que, de toute manière, il n'y a plus de financement et que si on a fait un appel aux dons, on n'aura rien du tout, parce que les gens, ils donnent en fonction de l'actualité. Vous faites un appel aujourd'hui sur ce qui se passe, je sais pas, au Zimbabwe. Vous avez rien. Vous faites un appel parce que tous les jours à la télévision, ils ont vu le tsunami ou ils ont vu un tremblement de terre ou une guerre. Et là, ils vont donner. Tout est ciblé. Et donc là, vous êtes il y a un vrai sujet, vous êtes dépendant des bailleurs de fonds internationaux. Votre autonomie, vous ne l'avez que si c'est des dons individuels ou de la population. Véronique Andrieux, vous êtes la directrice générale d'Action contre la faim. On a bien compris comment vos équipes œuvrent pour aller chercher de l'argent auprès des donateurs privés. Le hic, c'est que vous dépendez à 75% des donateurs publics. Donc, quelle est votre marge de manœuvre pour choisir vos actions sur le terrain et pour sauvegarder votre indépendance ? Comment dire ? L'indépendance totale, quand on travaille avec des bailleurs, et c'est notre cas, ça veut dire effectivement, ça veut dire que d'abord on doit se donner le choix de pouvoir dire non. Pour prendre un exemple précis. Oui. Par exemple, nous n'acceptons pas les fonds de USAID au Pakistan, nous n'acceptons pas les fonds de USAID en Afghanistan, de la même façon que nous n'accepterions pas des fonds de certains bailleurs, au Yémen. Nous considérons que nous ne souhaitons pas recevoir des fonds d'un acteur qui est en train de lui-même, de façon directe, causer les pertes humaines et l'insécurité alimentaire aiguë et des risques de famine même sur ces territoires-là. Le cas du Yémen est flagrant. Les Saoudiens bombardent et financent des ONG. Effectivement, les Saoudiens, les Émirats Arabes Unis, il y a une coalition large qui est partie prenante directe au conflit. Nous ne prenons pas des fonds des Saoudiens, évidemment. Et par ailleurs, nous avons une totale liberté de parole. La France, vous voyez, c'est là. C'est un beau pays, la France. C'est la patrie des droits de l'homme et l'héritière des Lumières. Pourtant, dès qu'il s'agit de l'Arabie Saoudite, la France appuie sur l'interrupteur. Clip Action contre la faim sur la situation au Yémen. Si la France tend la main, c'est celle qui vend des armes. Puisque l'argent n'a pas d'odeur, aucune raison de se boucher le nez, ni de respecter le traité sur le commerce des armes, défendu et signé par la France en 2014, et qui interdit tout transfert d'armes à des pays commettant des crimes de guerre. Le droit international est bafoué. La famine se répand comme une traînée de poudre. Les bombes pleuvent, les enfants meurent. Et le Yémen, qui était déjà le pays le plus pauvre de la péninsule arabique, s'enfonce chaque jour un peu plus dans un conflit qui le déchire et menace de le réduire en poussière. Le tout dans l'indifférence générale et avec la complicité de notre grande démocratie. Marc Lavergne, vous êtes géographe, vous êtes aussi directeur de recherche au CNRS et vous venez de passer quasiment 3 ans comme membre du conseil d'administration d'Action contre la faim. Quel est votre regard aujourd'hui sur le monde de l'humanitaire ? Aujourd'hui, l'humanitaire est considéré comme peut-être un des éléments de la diplomatie internationale, du jeu d'échange entre les nations, et ça c'est piloté par l'ONU et par toutes ces agences humanitaires, dites humanitaires, qui n'ont rien d'humanitaire finalement, parce que l'ONU n'est pas une agence humanitaire elle-même, et ni l'UNICEF, ni le Haut Commissariat des Nations Unies pour les réfugiés, ni l'OMS qui s'occupe de la recherche médicale, et bien d'autres ne sont à proprement parler des agences humanitaires. Elles collectent l'argent des États, c'était l'argent des contribuables, qui est reversé à des organisations humanitaires qui sont elles des ONG, donc des organisations non gouvernementales, qui au départ vivent avec l'argent des donateurs privés, c'est-à-dire du public, et de plus en plus ont recours à ces guichets d'aide qui sont à Bruxelles, qui sont à Genève, qui sont à New York, et c'est un jeu d'appels d'offres finalement, comme des entreprises, donc pour être capable de soumissionner à ces appels d'offres, pour obtenir l'argent qui va permettre d'aller sur le terrain, il faut avoir des compétences dans les bureaux, ce qui fait qu'il y a de moins en moins de monde sur le terrain par rapport au nombre d'acteurs qui sont dans les bureaux et qui traitent ces appels d'offres, toute cette machine financière qui s'est mise en place. Il y a toute cette part extrêmement lourde finalement de bureaucratie qui s'est mise en place, qui tourne autour de la comptabilité et de l'accès aux fonds. On a vu qu'il y a eu des scandales sexuels cette dernière année. Ce qui a fait très peur à toutes ces ONG, c'est que tout d'un coup, l'argent du public comme l'argent du privé s'en aille. Et dans ce cas-là, les ONG n'ont pas d'autre moyen de poursuivre leur tâche. Hein. Ça serait le seul qui s'effondrerait sur leurs pas. Ce qui compte, c'est l'argent qu'on fait rentrer, qui est la condition de la survie de l'organisation. Et donc là, peut-être qu'il y a quelque chose qui est menaçant pour l'avenir des ONG. Robert Sobag, est-ce que la redevabilité en faveur des bailleurs de fonds a prime aujourd'hui sur la redevabilité en faveur des bénéficiaires ? C'est lié, c'est le couple infernal. Vous ne pouvez pas faire sans eux. Et vous avez, on essaye d'avoir cette autonomie, si vous voulez. Mais cette autonomie, elle couvre 30 autonomes. Et puis 70 des bailleurs de fonds. Donc tout est par projet, tout est dans des cases. On n'a pas le choix aujourd'hui. Vous avez des dizaines de personnes qui ne s'occupent que de ça. Et vous avez des audits d'éco qui débarquent. Alors bon, d'accord, et ils vous prennent les notes de frais, les machins qu'on vous a dépensés, le truc, le voyage, machin, pourquoi c'est allé là. Et vous devez répondre. Vous êtes redevable par rapport à ces gens. Mais on est redevable aussi vis-à-vis des victimes. Ça veut dire qu'une partie de l'argent qui est donné, elle ne va pas directement aux bénéficiaires, mais elle va pour faire des audits, des contrôles, pour répondre à la communauté européenne. Comment vous avez dépensé cet argent? Pourquoi vous avez fait ça? Donc, c'est énorme. C'est énorme. Et donc, je veux dire, en termes d'énergie, en termes de capacité humaine. Marc Lavergne, vous donnez une définition des ONG, du monde humanitaire, comme un agent de stabilisation de situations critiques. Oui, certainement, du point de vue de la diplomatie internationale et de l'ONU, qui est un syndicat, je ne dirais pas un syndicat du crime, mais enfin, il y a quand même une grande majorité de régimes autoritaires ou dictatoriaux aux Nations Unies. L'ONU, quand elle ne peut pas intervenir de manière diplomatique ou militaire, intervient par le biais de l'aide humanitaire. On l'a vu au Darfour, où il y a eu plus d'une centaine d'organisations qui sont venues soulager les populations bénéficiaires, c'est-à-dire les gens qui étaient massacrés, qui étaient concentrés dans des camps. On peut dire d'une certaine manière que les humanitaires, de manière objective, vont à l'encontre du règlement du problème. Ils aboutissent à calmer la colère des victimes, des guerres en particulier, parce que quand il s'agit de tremblements de terre ou de tsunamis, c'est une autre chose. Le plus brûlant, c'est quand l'ONU décaisse des fonds par milliards d'euros pour des organisations humanitaires, pour ne pas avoir à intervenir militairement, pour ne pas avoir à mettre en cause une dictature qui est finalement à l'origine de la crise. Robert Sobag, où va l'humanitaire ? Il y a 40 ans, des gens comme vous voulaient changer le monde et on a l'impression aujourd'hui que certaines ONG font partie d'un système gouverné par la finance. Vous en pensez quoi ? C'est vrai que le nombre de bailleurs de fonds et les exigences qu'ils imposent, parfois ça peut aller sur la nature des programmes et ça peut dévier, si vous voulez, sur la finalité de la chose, de vous pousser plus dans un pays ou dans un projet que dans un autre. Et ça, ça peut poser problème, il faut avoir l'honnêteté de le dire. Quand vous voyez ce qui se passe aujourd'hui au Yémen, mais c'est quoi le Yémen aujourd'hui ? C'est le pays qui est victime de la lutte entre l'Arabie saoudite, entre le sunnisme et le chiisme. Hein, c'est les Houthis d'un côté soutenus par l'Iran, et de l'autre côté, les sunnites soutenus par l'Arabie saoudite. Et on sait quel camp a choisi l'Occident. Quand vous dites « vous allez aider », mais vous allez aider de quel côté, etc. Donc, insidieusement, si vous voulez, il peut y avoir à la fois une perte d'autonomie et une perte du choix. Et quand on fait de l'humanitaire, on ne doit pas choisir ses victimes en tous les cas. Et malheureusement, les victimes, elles sont de tous les bords. Est-ce que on peut dire que la multiplication des organisations humanitaires, que ce soit les French Doctors, ACF ou d'autres, hein, ou toutes les ONG, est-ce qu'elles ont amélioré la situation mondiale ou le fossé entre Nord et Sud ? Il faut se poser cette question. Est-ce que vous êtes fataliste par rapport à tout ça ? Vous faites comment ? Alors, soit vous restez petite organisation, et il y en a, et vous dites, c'est uniquement des bénévoles, hein, oh, qu'on était bénévoles, c'est uniquement des bénévoles, on n'a pas de frais de structure, ou très très peu, et on ne fonctionne qu'avec des dons. On n'a pas de dons, on fait pas. Et donc, vous rentrez dans le moule, vous rentrez dans un moule. La seule chose qui vous reste, c'est effectivement le plaidoyer. Il vous reste le plaidoyer d'essayer de convaincre, d'aller faire du sort de lobbying. Mais vous allez convaincre qui ? Vous allez voir le ministère des Affaires étrangères. Il va pas changer sa politique vis-à-vis de l'Arabie saoudite de l'Iran pour faire plaisir à ACF. Parce qu'il y a des enjeux qui nous dépassent. Alors, on met un peu de sparadrap, on dit, bon, on va vous aider quand même. Vous faites des trucs, on veut bien quand même. Alors, il vous reste un petit peu la sensibilité d'une population française, mais parce que c'est lié aux chaînes d'infos en continu, c'est lié à l'information, où là vous touchez quelque chose. Mais oui, c'est une réalité que je décris, je ne m'en réjouis pas, mais elle existe. Alors, si je veux continuer à travailler et être utile et d'apporter mes compétences médicales, d'autres des compétences nutritionnelles, de sanitation ou d'autres choses, eh ben, on passe par eux et on essaye doucement de modifier le système. Mais il ne faut pas que l'ONG, elle s'appelle l'ONG, devienne une sorte de prestataire de service, au service donc de la Banque mondiale, de l'Europe, du Fonds monétaire international, de ce que vous voulez. C'est ça qui fait peur. De fonds d'action contre la faim, avec notamment Véronique Andrieux, directrice générale d'ACF, Lucie Codias, responsable de la communication, Isabelle Robin, responsable des opérations en Afrique, Marie-France Berton, en charge du partenariat avec les entreprises, Robert Sebag, cofondateur d'ACF, Jean-François Riffaut, directeur de la communication, et Marc Lavergne, géographe, membre du conseil d'administration. Remerciements, Mathieu Fortoul, chargé des relations presse à ACF. La série documentaire, réalisation Vincent Deck. Un documentaire de Michel Pomarède.